A la base des bases, ma vie n'a aucun sens. Et aujourd'hui, j'ai plus que 7 mètres 20 euros d'essence. Ma fille, je l'aime, je suis plus le même plus sa naissance. Ma fille, je l'aime, je suis plus le même plus sa naissance. Hey. Mais bon, à part ça, tout roule grâce à Dieu. Contrat à Dieu, redis-moi qui dit mieux. J'ai 2-3 potes en planque, j'ai 2-3 potes aux cieux. J'ai 2-3 comptes en banque, j'ai 2-3 comptes en cieux. Je vais me les faire, j'ai pas besoin de jurer sur ma daronne. Je vais me les faire, jamais je reviendrai sur ma parole. J'ai escroqué des gens pour me faire de l'argent de poche. Ils t'ont dit que j'étais une merde, mais t'as pas les deux sons de cloche. J'ai la douleur d'un père qui voit son fils en tôle. La fierté d'un mec qui voit son kill en tonne. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'ai porté le fila avant de porter le stone. J'ai porté le fila avant de porter le stone. Island, je regrette rien, j'ai mis 300k sur une montre. Je t'aime à toi même si je pose les yeux sur une autre. C'est pas pareil, confonds pas les serviettes, les torchons. Le 4 anneaux et le Porsche. J'ai porté le fila avant de porter le stone Island. Oh, le stone Island, le stone Island. Toujours le même quand je suis à pied ou quand je suis dans l'allemand. Malgré les sous, on n'a pas changé. Vous prenez la confiance, voilà pourquoi je sors rarement. Je sors rarement, je sors rarement. Toujours le même quand je suis à pied ou quand je suis dans l'allemand. KKKOFF. Aujourd'hui tu m'aimes, hier tu étais où? Tu étais où? Quand je rappais dans ma chambre, qu'on prenait pour un fou. Tu te rappelles hein? Trop de soucis j'avais pour me mettre dans le son. Ils ont tous dit Starfalla quand ils ont vu mon côté sombre. Ah. J'ai grandi, à part Dieu je crains rien. J'ai 2-3 meuhards ukrainiens, j'ai 2-3 frères du Kremlin. Bientôt j'arrête le rap, je reprends ma vie de père. Y'a des personnes que j'aime que j'ai pas envie de perdre. Et puis, si tu te bats pas, dis pas que t'as pas de chance. Finir dans un 4-4 ou finir entre 4 planches. J'ai fait le choix, j'arrête de traîner. J'm'en fous que vous me craignez. Font pas les couilles d'être aimé. Eh ouais, j'ai galéré avant de voir le bout du tunnel. Dis-moi que tu m'aimes, bébé, dis-moi que tu m'aimes fort. Mon premier contrat, je l'ai signé pour 1000 euros. Comprends pourquoi je déteste le rap et son milieu. J'ai porté le fila avant de porter le Stone Island. Oh, le Stone Island, le Stone Island. Toujours le même quand je suis à Péo. Je suis à Péo quand je suis dans l'allemand. J'ai porté le fila avant de porter le Stone Island. Toujours le même quand je suis à Péo quand je suis dans l'allemand. Vous prenez la confiance, voilà pourquoi je sors rarement. Toujours le même quand je suis à Péo.